Comme d'habitude, ces salopards, organismes de paix, incitent à la guerre par l'expansion de leurs valeurs immorales. C'est quoi que j'entends là, tous sont en train d'assimiler. Leur droit prend ton âme, leur sonde en train de s'éminer. Ton crâne, l'entonnoir et l'ombre au crâne à s'immoler. Tu croyais Saint Thomas ne changera pas une semi-lettre. Le drame se donna, trop de grammes dans le coma. Un drame c'est dommage, sous leurs empreintes on finit l'être. Tu brailles ces mots là, Dorémi pas seul connard. Hiro del sol monarque, des ratomars, un champ de pommes et 6000 lettres. Mais sans esclaves, où sont les maîtres, j'arrache leur scalp et sans les mains. Je le dis esclair, nous sommes des bêtes dans l'enclos clé sous minêtre. J'achète leur système, je mange leur système. Je vends ma vistère, ce que je perds est mystère. Je ne fais que la cour à ces minettes, ça coïncide l'air. Les temps de la fin me plaisent, je deviens faible et Dieu me confesse. Mais bon, ma fublée, je suis comme au ciné. Mon propre film, je pleure, mon con est stylé. Je m'en fous, je m'en fume de l'herbe, envoie un silex, cousin. Casser la pierre, elle est sacrée, nous a créé. Oh le Saint-Père, leurs lois sont inexcusables. Je m'en bats les couilles de ce qu'ils aiment. J'écris des textes de sous la terre et sous l'index, une sale lanterne. Donc même sur la cime, je quisais, lance ta fusée. C'est quoi ton cap, te mettre au calme et sous ta visière. Tu te crois local, c'est pas mon cas, sinon pourquoi on m'a déjà fusillé. Pour apprendre garde, je crée le vocal depuis la 6ème. On m'avait dit petit tu seras libre, avec tes amis tu seras mille. Pourtant je regrette qu'on s'y soit mis, leurs paroles à vaciller. Bordel de globes sont tous ravis, leurs têtes de clones d'un coup se ranime. Mortel époque et est-ce mamie. Leur antenne dans le ciel, en plein décor. Ennemi pampa, je suis trempé comme la sciée. Il peut des cornes, mamie te pampa. Une vie, je déplore la sienne. À cette fleur, sur cette branche, car pour un fleur on va la scier. Viens, pourquoi vous fuyez. Quand je parle de fleuve est si étrange, j'allume un feu et j'en suis fier. Je rappe pour tous mes frères saïennes d'une autre planète qui veulent sans bénéfice sauver les fils pour l'avenir de ces fillettes. Et je suis qu'à moitié désolé de pas pouvoir écrire autre chose. Une encre chaude artisanale, ça sort d'un arbre.